La poésie philosophique et religieuse chez les Persans d'après le Mantique Utaïr, ou le langage des oiseaux de Fariduddin Attar. Des louanges de Mahomet. Écoutons un instant ces exagérations bien singulières dans la bouche d'Attar. Il préconise Mahomet et il sape en même temps les fondements de sa religion. On le dirait ici un zélé mahométan, si ses doctrines panthéistes ne perçaient ça et là dans ses vers. Mustapha, l'élu, c'est-à-dire Mahomet, est le trésor de la fidélité, le seigneur du monde spirituel et du monde temporel, la pleine lune est le centre de ces deux mondes, le soleil de la loi est l'océan de la certitude, la lumière de l'univers, la miséricorde de Dieu pour les créatures. Coran 11, 107. L'âme des êtres les plus purs est la poussière de son âme, il est le libérateur de l'âme, et la création entière est sa poussière. Il est le seigneur des deux mondes et le roi de l'univers, le soleil de l'esprit et de la foi. Il est monté aux cieux, il est le roi des créatures, l'ombre de Dieu, le représentant du soleil de l'essence divine. Il est le plus grand et le premier des prophètes, celui qui dirige les purs et les saints, le guide de l'islamisme, le conducteur dans les droits sentiers, celui qui décide des choses obscures, l'imam de tous et de chacun en particulier. Ce fut pour lui-même que Dieu créa cette âme immaculée et pour elle qu'il créa le monde. Ce ne fut qu'après que cette lumière, Mahomet, eut paru, à la lettre, eut planté son étendard, que le trône et le dais céleste, la tablette des décrets divins et le calame se montrèrent. Le monde fut une manifestation de cette lumière, ainsi que l'humanité en Adam. On vient de voir Attar reconnaître, malgré son panthéisme, une véritable création, telle que la Bible nous l'enseigne, et non l'émanation ou l'expansion qu'annonce la doctrine des soufis. Nous devons nous habituer à ces contradictions, à cet amalgame de vérité et d'erreur. Attar continue, dans les lignes suivantes, à parler comme un vrai mahométan. Il mentionne le dogme de l'intercession de Mahomet, dogme par lequel le Coran a voulu compenser celui de la rédemption. Les musulmans se servent à ce sujet des propres expressions des livres saints. Ils disent que Mahomet s'est chargé des péchés de sa nation, qu'il s'est fait victime de propitiation pour elle. Confère, Jean 1, 29, et Épître de Saint Jean, numéro 2. Le jour de la résurrection, dit Attar, ne sera pas à redouter pour la poignée de terre, la portion des créatures, dont Mahomet pourra dire à Dieu, « Ceci est mon peuple ». Cette parole sera toute puissante. Dieu, en effet, à cause de ce flambeau de la direction, accordera à ce peuple la rédemption des peines de l'enfer. Quelqu'un pourrait-il avoir, même en songe, une idée des prérogatives du prophète? Dieu lui a ordonné d'inviter à l'islamisme les grands et les petits, il l'a comblé de la plénitude de sa grâce. Mahomet est devenu par sa majesté et sa dignité l'objet des deux Qiblas, et l'ombre de son corps, dont jamais on aperçut l'ombre, s'est étendue sur les deux horizons. Ce fut de Dieu qu'il reçut un livre excellent, et ce fut par lui qu'il connut toutes choses. À cause de la considération que le Très-Haut a eue pour Mahomet, il l'a nommé dans le Pentateuque et dans l'Évangile. On sait déjà ce qu'il faut entendre par la Qibla, l'auteur, en disant que Mahomet est l'objet des deux Qiblas de Jérusalem et de la Mecque, veut indiquer la puissance de son intercession auprès de Dieu. Plus loin il parle de son tombeau, qui est devenu une troisième Qibla par suite du respect qu'on lui porte. L'allusion qatar fait à l'ombre de Mahomet tient à l'idée des musulmans que le corps de Mahomet était glorieux et ne projetait pas d'ombre. J'ai donné en tête de mon œuf collège musulman les passages de l'Ancien et du Nouveau Testament que les Mahométans appliquent à Mahomet et à sa mission. Le passage du Pentateuque où se trouve la prétendue mention de Mahomet et celui du Deutéronome, 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi, je lui mettrai mes paroles dans la bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Dans ce passage, les musulmans entendent par l'expression leurs frères les frères des Israélites, c'est-à-dire les Ismaélites ou les Arabes. Mais il ne s'agit pas ici de ces derniers. L'expression leurs frères, les frères des Israélites, est usitée dans la Bible pour signifier les Israélites eux-mêmes. Quant au passage de l'Évangile auquel il est fait allusion, c'est celui de l'Évangile de Saint Jean, 14, 26, le Consolateur, le Saint-Esprit que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous fera ressouvenir de ce que je vous ai dit. Or dans ce texte grec les mots, tout nev me tout agion, ne sauraient s'appliquer à un homme, mais au Saint-Esprit seul, et c'est en vain que les musulmans ont eu recours à la subtilité de lire Paraclitos, loué, synonyme du nom de Mahomet. Muhammad ou plutôt Ahmad, comme on le nomme aussi, au lieu de Périclitos, consolateur, cette interpellation se trouve aussi dans le prétendu évangile de Saint Barnabé. Jean 15, 26, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité rendra témoignage de moi. Écoutons encore quelque chose des louanges exagérées et hyperboliques qu'Attar donne à Mahomet, au milieu de ses deux épaules, aussi brillantes que le soleil, se voyait manifestement le cachet de la prophétie. Les musulmans croient que tous les prophètes ont eu ce signe visible de leur mission divine. Il a été le guide des hommes dans le meilleur des pays, et le meilleur des hommes dans la meilleure des tribus. Par lui, la Kaaba est devenue la maison de Dieu et un lieu de sûreté pour celui qui y entre. Gabriel a reçu de Mahomet le manteau de l'initiation, et c'est par là qu'il fut célèbre. On sait que ce fut l'ange Gabriel, que Mahomet paraît confondre avec l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit, qui, d'après le Coran même, fut l'intermédiaire de Dieu auprès de Mahomet. Attar, par une hyperbole orientale et un excès d'enthousiasme envers son prophète, semble supposer le contraire. Lorsque Dieu prend à part son ami, Mahomet, pour un colloque mystérieux, Gabriel n'y est pas admis, car il se brûlerait les ailes. Quand le cimore de l'essence divine se montre, Moïse devient aussi craintif que la bergeronnette. Voyez plus loin le motif de ce rapprochement. Ce prophète alla cependant s'asseoir sur le tapis de cette majesté, mais après avoir reçu l'ordre de Dieu d'ôter sa chaussure, confère Coran, 20, 12, et Exode, 3, 5. Admirez la faveur de Dieu envers le noble serviteur de sa cour, Mahomet. Il en fit l'homme de sa voix, il le laissa arriver jusqu'à lui avec sa chaussure. Lorsque Moïse, fils d'Amram, fut témoin de la faveur dont jouissait ce serviteur de Dieu, il dit, « Ô Seigneur, admets-moi dans sa nation, fais que je participe au banquet de son élévation. » Mais ce fut en vain que Moïse demanda cette faveur, elle ne fut accordée qu'à Jésus. Cependant le Christ, qui a acquis une si grande célébrité, ne fut qu'unifélite du visage de Mahomet, Dieu s'en servit pour faire connaître le nom du prophète, Allusion au texte de Saint Jean déjà cité. Remarquons d'abord ici que les musulmans placent Jésus-Christ bien au-dessus de Moïse, mais, dans leur aveuglement, ils prétendent que le Sauveur était musulman, et que le but de sa mission n'était que de prêcher par avance l'islamisme que Mahomet annonçait, selon eux, par lui, ainsi que nous venons de le voir, devait proclamer définitivement, en terminant la série des prophètes envoyés de Dieu aux hommes. Mais nous n'avons pas encore épuisé le chapitre de l'éloge de Mahomet. Voici quelques-unes des hyperboles qu'on y trouve et que je dois citer pour leur singularité. Le soleil est le commensal de ton sourire, le nuage, de tes pleurs, les deux montes sont la poussière de tes pieds. Tu te contentais de dormir sur un tapis de derviche, toi que rien ne peut contenir. Toute loi a été abrogée par la tienne. Ta loi et tes ordonnances sont pour l'éternité, ton nom est associé à celui de Dieu. Tu es à la fois avant et après le monde, tu es en même temps antérieur et postérieur. Personne ne parvient à ta poussière, c'est-à-dire, ne t'atteint pas même de loin, personne n'arrive à ta dignité. Dieu est départi pour l'éternité l'empire des deux mondes à Mahomet, son envoyé. Enfin l'auteur adresse de véritables prières à Mahomet, et il lui demande son intercession avant de commencer le récit qui fait le sujet de son livre, si peu conforme cependant à l'orthodoxie musulmane. Au prophète de Dieu, dit Attar, je suis découragé, je suis resté la main pleine de vent et la tête couverte de poussière. J'ai perdu ma vie par mes fautes, mais je me repens, implore de Dieu mon pardon. Quoique je craigne la sentence du Coran, 12, 11, ne te livre pas à la confiance, cependant je lis aussi dans ce livre sacré les mots, ne désespère pas. Sourate 12, 87. Ô toi qui es le médiateur de cette malheureuse poignée de terre, allume avec bienveillance la lampe de l'intercession, afin que, pareil au papillon, je vienne agiter, au milieu de ton assemblée, mes ailes devant ton flambeau. Ô essence élevée, ce que je désire, c'est que tu veuilles bien, dans ta bonté, jeter un regard sur moi, et que par ce regard tu anéantisses pour toujours mon existence séparée. Purifie-moi de toutes les pensées qui m'agitent et des vanités, ô essence pure. Ne noircis pas mon visage par le péché, et égare à ce que je porte ton nom. Ainsi qu'on l'a vu au commencement de ce mémoire, Muhammad était le prénom d'Attar. Je laisse la suite de cette prière, parce qu'elle est déjà connue par la traduction qu'en a donné feu l'illustre de Sassi dans son Pandnamé, page 188, et je néglige aussi les louanges des premiers califes, Abu Bekr, Omar, Osman et Ali, car Attar ne donne sur ces personnages aucun détail qui ne soit déjà connu. Je citerai cependant sur Ali un court passage qui semblerait annoncer qu'Attar était chiite, tandis qu'il était sunnite, ainsi qu'on le verra plus loin. Ici en effet, conformément au langage des admirateurs d'Ali, Attar lui donne le titre d'âme de Dieu, titre qui équivaut à celui d'esprit de Dieu qui est donné au Sauveur dans le Coran. Écoutons Attar. Comme Ali est le confident particulier des secrets de Dieu, on ne peut éprouver aucun doute sur sa science éminente. D'après une sentence de Mahomet, Ali connaît Dieu comme il doit être connu, que dis-je, il fait partie de l'essence divine. Si quelqu'un a été ressuscité par le souffle de Jésus, Ali, par une parole, a restauré dans son état premier une main qui avait été coupée. Après ces chapitres accessoires à l'invocation, vient un dernier chapitre au sujet des discussions des chiites et des sunnites, c'est-à-dire des orthodoxes et des hétérodoxes musulmans, sur la question de savoir si les premiers califes ont été légitimes ou usurpateurs du pouvoir spirituel et temporel, et si Ali était le successeur légitime de Mahomet. Attar se prononce pour la première opinion et se montre zélé sunnite. Les avis qui terminent ce chapitre rappellent ceux que l'admirable auteur de l'Imitation donnait aux religieux de son temps sur les discussions qui avaient lieu entre eux au sujet du plus ou du moins de mérite des fondateurs de leurs ordres, respectifs, livre 3, 58, 2. Laissons parler Attar. Tu connais, ô mon fils, Ali et Abu Bekr, et tu ignores Dieu, ton esprit, ton âme. Ne décide rien, raccourcis ta langue, sois sans fanatisme, et occupe-toi de suivre la voie spirituelle. Mets devant tes yeux ce que les premiers califes ont fait, marche paisiblement et suis ton chemin. Place le pied dans la vérité, comme Abu Bekr. Choisis la justice, comme Omar. Comme Osman, agis avec douceur et modestie, et comme Ali, sois un océan de bonté et de science. Es-tu un homme de sincérité et de science comme Ali? Non, tu es un homme de concupiscence, tu croupis dans l'infidélité. Détruis donc d'abord ton âme infidèle, sois croyant. Et lorsque tu auras fait périr cette âme concupiscente, aie confiance. Ô Dieu, ce fanatisme au sujet des premiers califes n'est pas en moi, mais préserve-m'en pour toujours. Purifie en mon âme, fais qu'il ne souille pas le livre de mes actions. C'est ainsi que se termine l'invocation du menti Qutayr et les pièces de vers qui s'y rattachent. Markemdanarchive.org 2021, d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.